Là, la prochaine émission, c'est une présentation de MMANouvelle.com. Pour tout savoir sur le MMA, c'est pas compliqué. Vous vous servez de votre clavier, vous vous rendez sur MMANouvelle.com. Puis là, s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux, des paris virtuels. Si vous voulez connaître vos capacités, vos connaissances sur le MMA, il y a également des quiz. Tout pour redécouvrir la vie, on vous invite sur MMANouvelle.com. Bonne émission. Tout le monde, vous êtes dans la voie des guerriers. Je suis accompagné, évidemment, comme toujours, de Frédéric L'Homme Nouvelle Garcia. Et aujourd'hui, on va parler à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le milieu des sports de combat, surtout en pied et poing, dans les sports de frappe. Il s'appelle Pascal Iglicky. Il travaille pour le magazine Karaté Bushido depuis, je pense, près de 25 ans. Ça, c'est un magazine français dans lequel que régulièrement, je dois dire, depuis plusieurs années, j'achète ça, puis c'est un magazine qui est fort intéressant. C'est le genre de magazine, malheureusement, qu'on n'a pas ici au Québec. En France, évidemment, ils sont plus nombreux. Puis je pense que les arts martiaux traditionnels également en France sont mieux implantés. Ils ont une structure beaucoup plus solide qu'ici au Québec et ça leur permet d'offrir des magazines, je pense, avec du contenu fort intéressant aux Français puis aux francophones également ailleurs, dont nous, ici au Québec, on est chanceux de pouvoir se procurer le Karaté Bushido. Pascal Iglicky, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait savoir sur vous ici qu'on ne connaît pas? Parce que honnêtement, tout ce que je connais de vous, c'est votre participation au Karaté Bushido depuis, je pense, près de 25 ans. Ah ben écoutez, tout à fait. Bonjour tout d'abord à tous. Oui, en effet, donc c'est exactement ça. Je rentre dans ma 25e année au sein du magazine Karaté Bushido en tant que journaliste, et vous l'avez précisé, spécialiste des boxe pieds-poings, hein, donc relativement, surtout quand j'ai démarré, c'était très large, quoi, hein, le full contact, la boxe française, le kickboxing, la boxe thaï, le kawan, bien évidemment, et j'ai aussi un petit peu touché sur les arts martiaux, et pour, compléter ma carte de visite, depuis 2002, je suis également, donc, consultant sur Eurosport pour Eurosport France, en fait, hein, voilà, un magazine qui s'appelle Fight Club, et pour lequel, eh bien, je suis consultant dans tout ce qui est kickboxing, boxe thaï, kawan, full contact, voilà. Et j'aimerais qu'on décortique un peu tous ces sports de combat, là, de frappe, debout. Nous, au Québec, ici, honnêtement, c'est pas vraiment développé. On a la boxe anglaise, bien évidemment, avec les juste les coups de poing, ça, on connaît ça, puis on a des compétiteurs professionnels de haut calibre. Mais sinon, c'est pas vraiment développé. Évidemment, on a eu Jean-Yves Thériault. Nous, on appelait ça du kickboxing, mais je pense qu'en France, c'est pas nécessairement du kickboxing qu'il faisait. Non, en effet. Bon, si vous voulez, en France, il y a des déterminations précises pour chaque boxe pied-point, et c'est vrai qu'à l'étranger, au Canada ou même aux Pays-Bas, le terme kickboxing englobe le kickboxing frappe avec les jambes, le full contact, enfin tout ce qui est en fait en frappe en jambes. Et c'est vrai que chez nous, il y avait un Jean-Yves Thériault qui d'ailleurs était, je tiens à le souligner, un très très grand champion. Vous avez vraiment eu un gros cadre des rings, mais chez nous, c'était du full contact. Mais, sa discipline, hein? Oui, je pense que ce gars-là, on peut le placer au titre de légende. Mais ici, honnêtement, il y a eu à son sommet, oui, il y a eu la couverture médiatique, mais il a été vite oublié. Puis il n'y a pas de relève ici non plus comme compétiteur, honnêtement. Non, voilà. C'est dommage. Non, c'est le problème. Mais c'est vrai que vous avez possédé, je peux vous le dire, un immense champion. Vraiment, Jean-Yves Thériault, c'était quelque chose, en tout cas chez nous, pour nous. C'était une grosse référence, il était surnommé Iceman, et je crois qu'il devait avoir quelque chose comme 55 KO à son actif, pour presque autant de victoires, très peu de défaites, 2, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, hein, vous avez eu un très très grand champion, je tiens à le souligner quand même. Alors même si c'est vrai que depuis vous êtes un petit peu au point mort, quoique, vous avez également en MMA un immense champion qui s'appelle Georges Saint-Pierre. Alors bien évidemment c'est un autre style, hein, c'est le combat libre, mais au Canada il n'y a pas souvent des bons gars, il n'y a pas beaucoup de gens, mais quand vous en avez, ce sont des gros champions. Hein. Je tiens à le souligner quand même. Pascal, vous avez mentionné le MMA. Ouais. Est-ce que vous êtes amateur de MMA? Disons que c'est pas ma tasse de thé, si vous voulez, au départ. Moi, j'ai été élevé à la sauce boxe pied-point, hein, donc bien évidemment. Sinon, j'aime tous les sports en règle générale. Vous voyez que ça, c'est les sports de combat. J'aime le tennis, j'aime le foot, j'aime le vélo. Si un combat de MMA est un très beau combat, bien évidemment, je vais le regarder, je vais m'y intéresser. Mais c'est vrai qu'en règle générale, je ne vais pas me jeter sur tous les premiers combats de MMA sur Internet ou quoi que ce soit. Donc, faut que je sois honnête avec vous. Et si on mentionne des noms comme Lyoto Machida qui ont un background en karaté, est-ce que ça apporte un intérêt plus gros pour vous ou? Bah oui, vous tapez bien, parce qu'en fait, Machida, par exemple, chez nous, il y a 2 mois, il a fait la couverture de Karaté Bushido. Donc bien évidemment, oui, en effet, voyez, vous le saviez peut-être, mais un garçon comme Machida qui a quand même un parcours très martial au départ est intéressant. Mais moi, vous me posez la question, si moi, parce qu'elle est geeky, je suis un fan du MMA, je vais vous dire, je m'y intéresse, je ne suis pas spécialement fan, mais je m'y intéresse parce qu'il faut s'intéresser à tout, faut pas uniquement s'intéresser à ce que l'on fait. Et puis, vous avez des grands champions, des personnages intéressants, et une autre forme de combat qui est pas mal pour nous, on a de bons français en plus, hein. Je pense à Tchèque Congo, hein, qui réalise quand même de belles perfs aux UFC, donc oui, je m'y intéresse, mais je ne suis pas aussi voilà autant spécialiste en MMA qu'en boxe pied-point, par exemple, hein. Voilà. Est-ce que vous êtes en faveur que le MMA puisse devenir légal dans votre pays, en France? Non, moi, j'aurais rien contre, hein, de toute façon. Hein. J'aurais rien contre. Hein. Même si je dirais que dans les arts martiaux, dans la déontologie, on ne frappe pas un homme au sol. Bah, c'est un peu vrai, quand même. Mais maintenant, je me dis, d'un autre côté, il faut un petit peu vivre avec son temps, il faut vivre avec son époque. Ce sont des garçons qui sont bien préparés. Bon, ce sont des garçons qui s'entraînent pour ça. Ce sont entre des professionnels. Et puis, je pense qu'on peut, comme on l'a fait avec la boxe thaï, ou même comme on l'a fait avec le kickboxing au départ. Vous voyez, vous avez les classes C, les classes B, les classes A. Vous avez même maintenant des classes D. Au départ, je dirais, essayer de protéger un petit peu les combattants à petit niveau. Et ensuite, bien évidemment, laisser s'expliquer les professionnels dans les règles absolues. Et moi, oui, non, je suis pas contre, hein, du tout, hein. Parlez-nous un peu de l'évolution des sports de combat debout, là, des sports de frappe. Est-ce que ça l'a changé depuis 25 ans? Est-ce que les combattants ont évolué? Est-ce que se sont rendus des meilleurs athlètes? Est-ce que le spectacle est aussi intéressant qu'il l'était à vos débuts lorsque vous avez couvert vos premiers événements? Mais disons, je dirais que chaque génération apporte ses champions. Alors bon, moi, je dirais que j'ai eu la chance d'arriver assez tôt. Alors pas au tout début, faut être honnête, je ne suis pas arrivé au moment où Roger Pachy, Valera et d'autres personnes évidemment ont ramené le full contact et la boxe thaïlandaise en France. Moi donc j'ai commencé à m'y intéresser véritablement en 83. Bon, c'est quand même déjà pas mal. Donc on a eu, si vous voulez, à cette époque-là, une génération de garçons qui, comment dire, n'étaient pas des spécialistes de la discipline dans laquelle ils combattent actuellement. C'était tous des transfuges d'un art martial. Il y en a certains venaient de la boxe française, certains venaient du karaté. Donc, si vous voulez, nous avions déjà le pays de la tulipe, les Pays-Bas, qui eux étaient déjà, parce qu'ils ont une culture quand même de sport de combat incroyable. Hein. Les Hollandais ont toujours été nos ennemis intimes, je dirais, hein, dans le bon sens du terme, bien évidemment. Donc, on a eu, je dirais, une génération de champions qui a un petit peu essuyé les plâtres, mais avec des combats très intéressants, bien évidemment. Là, je pense à des garçons comme... alors, je ne sais pas si vous les connaissez, mais on a eu des gars comme Christian Baffir, Gilles Tyrolien, Couillère, les frères Desjardins, Jamy, les frères Berendou. Une première génération, vous voyez, de combattants qu'on a composé la première pierre, et c'était des combats très intéressants. Alors, bien évidemment, des garçons avec un cœur énorme, parce que la technique n'était pas la même comme aujourd'hui. Hein. Ces disciplines ont plus de 25 ans, hein, en France. Hein. Aujourd'hui, les garçons partent en Thaïlande se préparer, ou ainsi de suite. Donc, bon, bref. Et ensuite, vous avez une autre génération de combattants qui est et que ce soit d'ailleurs dans toutes les formes de boxe pied-point. Alors, bien évidemment, maintenant, pour répondre à une autre question, quand moi, je suis arrivé, si vous voulez, on parlait beaucoup de la boxe française. Il y avait beaucoup de BF. Il y avait beaucoup de full contact. Il n'y avait pas encore beaucoup de kickboxing, parce que le kickboxing est arrivé un petit peu plus tard, et il y avait les débuts de la boxe thaï. Donc on a parlé durant une grande période, beaucoup de full contact, si vous voulez, de boxe française, mais c'était parce que à l'époque, c'est cette discipline qui était en vogue, tout simplement. Hein. Ensuite est arrivée la boxe thaïlandaise qui a commencé un petit peu à prendre le dessus. Dans les années 80 est arrivé le kickboxing, et puis avec des ambassadeurs comme Rob Kaman, Fred Royers, Milo Higobi, enfin tous ces champions néerlandais. Et c'est vrai que la France, au fil du temps, c'est un petit peu orienté vers le kickboxing. Et aujourd'hui, je dirais, sur la boxe thaïlandaise. Oui. À travers les années, c'est qui l'athlète le plus intéressant que vous avez couvert à vos yeux en tant qu'amateur? Bon, il y en a eu plusieurs, mais bien évidemment, il y en a un qui m'a quand même particulièrement fait plus rêver que les autres parce que j'ai vécu pas mal d'aventures avec lui et puis parce que je l'ai vu depuis le départ et je suis parti avec lui au Japon pour la toute première fois. La carrière de Jérôme Le Banner et bien évidemment les combats d'anthologie qu'il a pu nous livrer au pays du soleil levant restent bien évidemment des souvenirs impérissables. Ça c'est clair, hein, il n'y a pas de souci, c'est un immense champion. Alors aujourd'hui, il est plus à la sortie, bien évidemment. C'est normal d'ailleurs, hein, ça fait partie de la vie de toute façon. Mais c'est un garçon. Alors, il y en a eu d'autres, bien évidemment. Je ne voudrais pas vexer, disons, d'autres champions avec lui. En plus, des petits jeunes qui arrivent aujourd'hui, d'ailleurs, hein, qui me font un petit peu même le même effet, d'ailleurs. On a des petits jeunes qui arrivent sur la scène internationale, des bons petits combattants, des Nakmoé, enfin, des Thai boxeurs. Mais bon, c'est vrai que la carrière de Jérôme Le Banner, enfin, le combattant Jérôme Le Banner a été, bien évidemment, pour moi, une belle rencontre, si vous voulez, voilà. Est-ce que vous placeriez Jérôme Le Banner comme le meilleur combattant français de sport de combat ou peut-être bah, David Douillet que... ou... Douillet, le judoka? Non, moi... Pff, ouais, non, mais là, c'est différent, si vous voulez. Ouais, moi, j'ai vécu... ce sont des disciplines complètement différentes. C'est pas pareil pour moi, le judo, je vais mettre ça à part, okay. Si vous voulez. Alors, si on me posait la question, moi, il ne fait pas vibrer. J'ai beaucoup de respect, évidemment, pour David Touillet. Hein. Il a été plusieurs fois champion olympique, champion du monde. C'est pas ça le problème. Je ne vibre pas devant un combat de judo. Alors, évidemment, j'ai vibré pour Douillet quand il fait sa finale olympique, mais je vibre aussi pour un 200 mètres, pour un 100 mètres, s'il y a un Français. C'est normal, hein. On a la fibre. On défend son pays, on est pour la tête, bien évidemment. Maintenant, le Banner, si vous voulez, il est quand même arrivé au Japon dans une période où il y avait les meilleurs combattants de la planète. Et là, je peux vous dire que c'était des vrais kickboxers. Entre guillemets, des assassins, mais dans le bon sens du terme. Hein, vous aviez des garçons comme Peter Hart, Ernesto Hoos, qui étaient au top niveau. Vous aviez Andy Yu, vous aviez Mac Bernardo, Sam Greco, vous aviez Mirko Filipovic, Mirko Krokop. Vous n'avez que des cadors, si vous voulez, hein, et d'autres encore que j'oublie. Le Banner est arrivé à ce moment-là. C'est un garçon qui sortait du full contact. C'est même pas ce que ça voulait dire de mettre un low kick, si vous voulez. Hein, mais de par sa puissance, de par sa prestance, et puis de par... il a battu tous ces mecs-là, quoi, si vous voulez. Alors, même s'il a jamais remporté la finale du Kawan, moi, je m'en fous, on s'en fout. Il a fait de belles perfs, ce garçon. Il a fait des perfs extraordinaires que moi, je pense, si vous voulez, que d'autres combattants de boxe pied-point n'ont peut-être pas réalisé face à la même adversité, si vous voulez. Alors que ces garçons ont également réalisé de belles performances. Mais là, on était dans une structure quand même assez particulière avec vraiment tout ce qui se faisait de mieux sur la planète. Aujourd'hui, bon, au fil des années, ça s'est un petit peu transformé, si vous voulez. Mais moi, je mettrais Le Banner, ouais, bien évidemment. Il a battu Oost, qui est évidemment l'un des meilleurs de l'histoire du KE. Il l'a remporté à plusieurs reprises. Et Le Banner l'a déjà battu. Malheureusement, en 2002, c'était le gros affrontement, la finale, je pense, entre les deux. Ouais. Malheureusement, une blessure, ouais. Je pense, ça a vraiment changé complètement la carrière de Jérôme Le Banner depuis. Ouais. On est bien d'accord. On est bien d'accord, justement. Alors, le problème de cette blessure, si vous voulez, je pense que il avait en fait, je crois au départ, il se plaignait déjà pas mal de son avant-bras, donc une espèce de petite douleur. Je pense très honnêtement que si le bras ne s'était pas fracturé au moment de ce combat, au moment de cette finale face à Ernesto Hoost, je pense que ce bras aurait été amené de toute façon à être fracturé. Il y avait une légère fracture de fatigue, si vous voulez. Hein. Maintenant, je pense que cette blessure a bien évidemment ensuite changé et transformé la carrière de Jérôme. Il y a eu un avant 2002 et un après 2002 avec d'autres pépins, mais évidemment, problème de ligament croisé au niveau du genou, mais c'est vrai, je pense qu'il y a eu, 2002 et après 2002. Voilà, pour être très honnête avec vous, je ne pensais même pas qu'il remonterait sur un ring après cette blessure. Et pour Sammy Shield, qu'est-ce que vous pensez que Le Banner doit faire de différent pour finalement remporter une victoire contre Sammy Shield? Bah, vous savez, c'est Michi, les gens critiquent très souvent. Moi, je suis pas un fan de ces Michi, bien évidemment, mais, mon travail, c'est d'être objectif, c'est d'apporter, je dirais, des réponses à des questions que les gens peuvent se poser. Et c'est surtout mon travail, et d'être très honnête. On ne peut pas se permettre de dire du mal sur un combattant parce qu'il va rencontrer un Français. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Michel, pour moi, il est très difficile à battre. On l'a vu cette année, hein, il a remporté sa 4e finale du Kawan. Hein, on est bien d'accord, je pense que vous êtes au courant. Oui, absolument. Il a remporté sa 4e victoire. Bon, au premier tour, il bat Jérôme Le Banner avant la limite. En demi-finale, il bat Rémi Bonjasky avant la limite. Et en finale, il bat Badari avant la limite. Alors, j'ai vu le combat contre Jérôme, j'ai vu le combat contre Badari, je n'ai pas vu celui contre Rémi Bonjasky. Moi, je dirais simplement, respect à ce champion, il a réussi à battre trois cadors de la spécialité, en l'occurrence Badari, qui me semble être très dangereux, le plus jeune, le plus il en veut beaucoup. Bah écoutez, comment le battre, il a déjà été battu, il a été battu trois fois. Hein. Trois personnes ont véritablement trouvé la faille. Il y a eu Badari il y a quelques mois, enfin c'était au mois de mai hein, l'année dernière, hein, aux Pays-Bas, il a trouvé la faille en le mettant en KO au premier round. Peter Hart, l'année dernière, aux éliminatoires du KO à Nassé, où il a trouvé la faille, il l'a battu au point. Et il y a quelques années en arrière, Alexei Ignashov avait trouvé la faille en lui balançant une droite plongeante. Alors moi, je dirais déjà que c'est Michel, pour le battre, faut être, alors peut-être pas atteindre les 2 mètres, mais quand vous commencez à mesurer 1m95 avec des segments un petit peu plus longs, le garçon, il serait peut-être un peu plus handicapé, si vous voulez. Hein. Faut quand même savoir qu'au tout départ du K1, les plus grands s'appelaient Peter Hart et Jérôme Le Banner. Hart, 1m92, Le Banner, 1m90. Aujourd'hui, ce sont les plus petits. Vous voyez, on peut dire ça comme ça. Hein. Effectivement. Non, mais ce sont les plus petits. Hein. C'est ce que m'a dit Peter. Hein. Je lui ai fait une interview l'année dernière. On a discuté. Puis il m'a dit, c'est parce que quand je suis à Bouquin, j'étais le plus grand. Aujourd'hui, je suis plus petit. Donc, vous voyez, il y a un gros problème quand même déjà. Et un garçon comme Sammy Shield qui est né avec un kimono, faut quand même pas perdre de vue que c'est un garçon qui a démarré les arts martiaux très tôt. Hein. Très tôt, il a mis un kimono. Sammy Shield, je crois qu'il va avoir 10-11 ans. Par le karaté, je pense. Il a commencé exactement tout à fait par le karaté. Après, il a fait du karaté des Dojuku, dans lequel il est devenu champion, je crois, et ensuite il a même fait du MMA, il s'est mis ensuite au kickboxing, enfin à la boxe thaï, mais c'est un garçon qui malgré sa grande taille, malgré ses très longs segments, n'éprouve aucune difficulté pour travailler. Alors, bien évidemment, c'est pas spectaculaire, mais lui, on n'est pas là, il n'est pas là pour faire du spectaculaire, il est là pour battre ses adversaires. On parlait de Jean-Yves Thériault tout à l'heure. Jean-Yves Thériault, j'ai vu beaucoup de ses combats. C'était pas un garçon très spectaculaire, il faisait pas dans la dentelle, non, il faisait dans l'efficacité. Il y avait son front kick qui rentrait bien dans le plexus des gens, le plexus, le front kick, le coup de pied circulaire au corps, et il envoyait derrière les points, et il gagnait par KO. On demande, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je suis. C'est Michel, c'est vrai que c'est pas un garçon spectaculaire, mais terriblement efficace, et très intelligent. D'excellents techniciens, puis pour sa grandeur, c'est rare, souvent on voit les gens de cette grandeur-là, pas bien coordonnés, mais c'est Michel, ses coups sont bien lancés, sont propres, sont efficaces, oui, oui. Mais effectivement, on est loin du charisme et de l'aura qui est autour de Jérôme Le Banner. Ah bah, ça n'a strictement rien à voir, de toute façon, quand vous imaginez que à son apogée, Jérôme Le Banner, il arrivait à faire vendre sur son simple nom 15 000 billets. Ah, certainement. Parlez-nous du combat. C'est énorme. Le premier combat de ce K1 2009. Oui, face à Le Banner, face à Shield, il a perdu au premier engagement. J'ai vu, mais j'ai regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas allé. Bah, je peux pas vous dire. Là par contre, je peux pas. Là, je ne sais pas. Hein. J'ai pas suivi la préparation de Le Banner. Je peux pas parler à sa place, si vous voulez. J'ai vu le combat. Il me semble qu'il a été touché au corps. J'ai l'impression que c'est Michel, en voyant également le combat contre Badari, a dû travailler une autre stratégie, une autre technique. J'ai l'impression que là où on l'attendait, ben, il n'est pas arrivé par là. Je pense que les garçons devaient l'attendre avec les coups de genoux. Je pense que tous les combattants devaient l'attendre avec ses coups de genoux directs, ses coups de genoux de côté. En définitive, j'ai l'impression qu'il a eu l'intelligence de transformer cette stratégie. On le voit, il sert beaucoup de son middle kick. Il le cherche au niveau en dessous des côtes. Alors j'ai l'impression qu'il a dû travailler la précision à ce niveau-là et peut-être se rendre compte que les combattants comme Le Banner ou peut-être même Bonjasky et Harry avaient une tendance peut-être à lever. Et en tout cas, vous voyez, il a complètement, je trouve, changé sa façon de combattre sur ce K1. Alors bon, bah, Le Banner s'est fait piéger et moi je connais pas sa préparation, donc là je peux pas répondre pour lui. On a eu l'occasion d'y parler à Jérôme Le Banner il y a quelques semaines. Puis bon, on s'entraîne maintenant avec l'équipe de Georges Saint-Pierre ici à Montréal au Tristar. Avec bon, les meilleurs, je pense, dans le milieu du MMA. Puis Le Banner songe à combattre en MMA. Ça pourrait se faire très tôt. Il y a des rumeurs qu'il envoie dès le 31 décembre au Japon un combat de MMA pour le fameux événement hybride, le K1 MMA. Oui, c'est le dynamite. Oui, alors il y a des rumeurs qu'il envoie là. Puis il y a également des rumeurs où on pourrait le voir à Montréal dans un événement du UFC en MMA. Est-ce que ça vous excite? Est-ce que vous êtes intéressé de voir Le Banner peut-être se convertir en MMA pour finir sa carrière? Ouais, écoutez, moi, je pense que ce serait peut-être la... ouais, ce serait peut-être pas une mauvaise chose parce que quand vous regardez un petit peu, enfin, là je suis pas vraiment un spécialiste de MMA, j'espère que je dis pas de bêtises, mais en voyant certaines icônes de cette discipline qui combattent toujours, j'ai l'impression, alors évidemment il y a des jeunes qui arrivent aujourd'hui, hein, parce que c'est pareil, il y a eu les pionniers, ceux qui sont arrivés en cours de route et ceux qui arrivent maintenant, hein. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de longévité quand même qui n'y a pas dans les boxe pieds-points, parce que, alors bien évidemment on va vous dire, ouais le MMA c'est très très dur, c'est très violent, mais vous savez un combat de boxe pieds-points est plus dur physiquement, un combat de boxe thaï, c'est plus difficile qu'un combat de MMA. Mais quand c'est plus difficile, c'est, je parle d'un niveau physique, d'un ouais. niveau cardio, ouais. d'un niveau, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas au niveau de la difficulté du sport. Et le nombre de coups à la tête aussi, je pense, est beaucoup supérieur en boxe et en boxe thaï. Ouais. Je vous ai pas bien entendu. J'ai dit, le nombre de coups à la tête est beaucoup supérieur en boxe thaï et en boxe anglaise. MMA. Non, bien sûr. Non, mais c'est même pas ça. C'est différent. C'est pas pour rien qu'il y a des garçons de 37, 38, 39 ans qui continuent à combattre en MMA et qui l'emportent. Donc, ouais, le Banner, avec les blessures qu'il a eues, avec la blessure qu'il a eue à l'avant-bras gauche, avec la blessure qu'il a eue au genou, bon, c'est des blessures qui sont handicapantes quand on doit rester constamment debout et qu'on doit pratiquer par des enchaînements pied, point, pied, genou. C'est un peu gênant. Moi, je pense que le MMA, puis s'il veut se faire plaisir, qu'il se fasse plaisir. En plus, il n'y a pas de raison. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Vous voyez simplement, faut qu'il ait vraiment envie, quoi, par contre. Les entraîneurs à Montréal ont été grandement impressionnés avec ses aptitudes debout. Il y a un des entraîneurs qui nous disait qu'il n'y a jamais eu un poids lourd aussi fort debout que Jérôme Le Banner qui est venu à Montréal pour s'entraîner. Ah non, mais c'est évident, vous savez, c'est un garçon que je connais un petit peu quand même si je le connais pas par cœur, si vous voulez. Je le connais un peu quand même, Jérôme. C'est un garçon, très honnêtement, hein, et je sais qu'il appréciera peut-être pas là, ce que je vais dire, mais c'est pourtant la stricte vérité. Je peux vous dire que si Jérôme Le Banner s'était entraîné comme un Peter Hart ou comme un Ernesto Houst, je peux vous dire qu'il aurait été encore beaucoup plus fort que ça, et puis que des fidèles du Kawan, il en aurait dans sa vitrine, hein, je peux vous dire, et plus d'une. Hein. Ah ben, je pense qu'il serait d'accord avec vous, parce qu'il nous l'a dit depuis qu'il s'entraîne avec les gars du Tristar. Il a vraiment retrouvé la flamme, peut-être. Puis il nous a dit que, bon, ici à Montréal, il y a un gars qui s'appelle Jonathan Chambert, qui est un espèce de génie de la préparation physique. Puis Jérôme Le Banner, je pense, nous l'a dit, qui avait découvert des nouveaux muscles. Il l'a pas dit comme ça, mais ça ressemblait à ça, là. Ouais, mais vous savez, il y a quand même eu des bons mecs qui se sont occupés de lui, hein. On peut pas laisser. Non, il y a des bons mecs qui se sont occupés de lui, hein. Même au sol, hein. Au sol, bon, il a tourné, il s'en est même fait une rupture du ligament du talon d'Achille. C'est par exemple Gilles Larsen, quand même, avec ses petits moyens. Pas trop moins bon jugé de ce Brésilien qui l'a fait tourner. Mais sinon, en boxe pied-point, il a eu quand même certains bons entraîneurs. Alors ensuite, moi, le seul problème, si vous voulez, c'est dommage, il avait trouvé un bon mec pour se faire entraîner, Jérôme. Il avait trouvé un bon mec, un bon entraîneur qui, c'est vrai, n'est pas facile. C'est un ancien grand champion de boxe thaï qui s'appelle Stéphane Nikema. Ok, d'accord. Bon, je pense que vous connaissez. Oui, de nom, effectivement, oui. Oui, c'était vraiment un très très grand champion. Et quand Jérôme a perdu en 2001 en huitième de finale face à Marquion, la finale du K1, donc c'était en 2001, ouais. Lorsqu'il l'a perdu. Bon, on est rentré en France et ensuite, donc, un grand K1 était prévu à Paris. C'était le premier K1 Grand Prix organisé à Paris, à Bercy, en 2002. Avec, en tête d'affiche, le combat, la revanche entre Mark Hunt et Jérôme Le Banner. Jérôme Le Banner s'entraînait avec Stéphane Nikema, qui l'a vraiment préparé, bien préparé pour ce combat. Et le soir du match, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, Le Banner, ce soir-là, je pense qu'il était imbattable. Là, c'était Mark Hunt. Mark Hunt à son top niveau en plus. Pas Mark Hunt aujourd'hui qu'on voit sur un ring qui vaut plus un coup de cidre. Parce qu'il faut pas non plus voler la face. Il y a des mecs qui voient plus un coup de cidre. Il y a le nom, bien évidemment, mais il y a plus la qualité physique du mec. Je peux vous dire que quand Le Banner, il s'est tapé Hunt les trois fois, il s'est tapé Hunt au top niveau. Quand il s'est tapé, quand il a mis KO Hart en 99, c'était du Hart de haut niveau. Quand il a mis KO en 96, Houst me l'a dit. Il m'a dit, Pascal, j'ai beaucoup de respect pour Jérôme, parce qu'en plus, quand il m'a battu, j'étais au top niveau. Vous voyez? Non, il n'y a pas de souci. Mais ce soir-là, on a retrouvé un Le Banner exceptionnellement fort. Bon, donc il y a quand même, bon, après, problèmes de caractère entre les personnes. Bon, ça se passe pas toujours bien, c'est pas très très grave. Donc Jérôme a rechangé d'entraîneur, il y en a eu d'autres qui n'ont pas été trop mauvais non plus. Mais c'est vrai que le soir du combat contre Mark Hunt à Bercy, Jérôme Le Banner a été exceptionnel. Et je pense que ce soir-là, personne n'aurait battu. Bon, là, c'était Hunt, et je peux vous dire qu'à ce moment-là, arriver à faire abandonner Mark Hunt sur un combat, c'était impensable. Juste, c'était impensable quand on était au Japon. Je vous le dis tout de suite. C'est pas le plus grand technicien, mais un encaisseur incroyable. Un encaisseur, et je peux vous dire, un frappeur de folie. C'est-à-dire que sur un coup, il vous met KO n'importe qui. Mais ça, c'est vrai. Donc, voilà, c'est bien. Non, mais maintenant, s'il a retrouvé la flamme, s'il a retrouvé une très très bonne équipe au Québec, tant mieux. En plus, Georges Saint-Pierre, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je crois, une seule fois. J'ai rencontré une seule fois sur un pavé, l'occasion de discuter, qui est un garçon vraiment très charmant. C'est ça qui est terrible d'ailleurs, c'est que c'est un très très grand champion sur le ring, mais c'est un garçon charmant en dehors du ring, très drôle d'ailleurs. Tant mieux, non, au contraire, tant mieux. Maintenant, qui est là pour prendre la relève de Jérôme Le Banner? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'était peut-être cette dernière prestation, je pense, au KE Grand Prix. Peut-être. Français, en poids lourd. En poids lourd. Oui, en fait, ben, ouais, en poids lourd. Très honnêtement. Peut-être pas me faire que des amis, on a des bons poids lourds en France. On en a certains bons, on en a même certains qui auraient peut-être même mérité une fois d'aller tenter leur chance au K1 parce qu'ils ont eu de bons résultats. Là, je pense à Grégory Tony, par exemple, qui aurait pu y aller, quoi. Hein. Bon, et pourquoi pas, d'ailleurs, il y a tellement de mecs mauvais qui ont la chance de pouvoir aller combattre là-bas, qu'on pourrait quand même autoriser à certains bons. Une fois, ils perdent, tant pis, mais au moins, il y a été, et bon, voilà. Mais sinon, non, quelqu'un qui arriverait à avoir... autant dans la réussite dans Le Banner, vous savez, des grands champions comme ça, on n'en trouve pas tous les... Dans n'importe quelle discipline, d'ailleurs. Hein. Nous, chez nous, dans Zidane, on ne va pas en trouver un tous les 15 jours. Enfin, je crois pas. Hein. Même un David Douillet, par exemple, au judo, par exemple, hein, même si je ne suis pas un fan de judo, bon, un David Douillet... Ah, quoi que si, on l'a remarqué, on a quand même Teddy Riner, il est pas mal. Non, là, je retiens ce que je viens de dire, on a Teddy Riner, il est bon. Non, des garçons qui méritent d'y aller, je vais répondre oui, sans aucun problème. Maintenant, des garçons qui vont effectuer la carrière de Jérôme Le Banner, je leur souhaiterais, mais je pense que ce sera très difficile. Très, très, très difficile, je crois pas. Et si on passait à un autre combattant de MMA qui a été en K1, Alistair Overeem, est-ce que vous pensez qu'il y a ce qu'il faut pour gagner en K1? Est-ce qu'il y a les aptitudes nécessaires ou il sera jamais champion? Parce que lui, il voudrait bien être champion en K1 et MMA. Bah, écoutez, Alistair Overeem, j'ai vu son combat, pareil, donc lui, je suis pas allé au Japon, donc grâce à Internet aujourd'hui, c'est quand même vachement plus pratique. Et donc, j'ai pu voir son combat face à Badari. La première chose, moi, qui m'a impressionné sur les premières images, c'est même pas le combat, c'est la... Comment dire, c'est la musculature et le visage, surtout également le visage d'Overeem, qui m'ont plutôt impressionné et qui m'ont fait peur. Alors je pense que ce garçon, si vous voulez, alors, lui, il va pas être mon pote après ça, mais moi je vais quand même pas dire ce que je ne pense pas. Je pense qu'il a pris un petit peu vite beaucoup du muscle et il a même le visage qui s'est transformé, vous voyez. Donc si vous voulez, il a un peu commis l'erreur, je pense, qu'a commis il y a quelques années en arrière Rick Rufus quand il a voulu faire sa revanche avec Ernesto Houst. En exagérant un petit peu trop sur la musculation, là, je pense qu'il a un peu exagéré. Et si vous voyez le combat contre Badari, il est complètement bloqué. J'ai l'impression que ses muscles sont complètement tétanisés, et je dirais même plutôt congestionnés, si vous voulez, et qu'il est même pas capable de mettre un coup. Donc, l'Overeem que j'ai vu sur la finale du K1 2009 n'a aucune chance pour moi de monter sur la plus haute marche du podium. C'est évident. Aucune chance. Vraiment. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il peut battre à peu près tout le monde. Mais trois combats victorieux consécutifs lors d'une soirée... Ah non, mais c'est impossible sur ce que j'ai vu, sur le physique que j'ai vu, sur le visage complètement transformé, bouffi, pas très catholique, si vous voulez, au niveau de la transformation. J'ai vu un monstre et j'ai vu un mec qui, si vous voulez, au bout de, quand il va balancer 3-4 directs du gauche, il a le biceps et le triceps qui vont tellement congestionner qu'il va même plus pouvoir les envoyer. Il va plus pouvoir oxygéner ses muscles et c'est un garçon qui, dans le deuxième round, sera complètement essoufflé. Donc, c'est un garçon, c'est dommage. Il a un très bon potentiel, on l'a vu. Hein. Il s'est envoyé une droite, il s'est bien travaillé, il a fait ses preuves aussi dans le combat libre. Mais très honnêtement, si dans le Overeem que j'ai vu là, il a aucune chance de l'emporter, mais vraiment aucune chance. Ça nous rappelle quelques sprinters américains du 100 mètres, hein, quelques Olympiques. Je pense que c'est ce genre de transformation où En tout cas, effectivement, là, on peut présumer... c'est un peu flagrant, quoi, je veux dire. C'est un peu flagrant, même si certains ont un petit peu, un petit peu, c'est pas grave, c'est pas ça qui va vous faire... Vous savez, c'est parce que vous allez vous shooter, vous allez remporter le Kawan, hein, de toute façon. Hein. Quand vous voyez qu'Andy Hugh, il l'a remporté, il faisait 1m85 et il faisait 94 kilos. Hein. Bon, même si c'est vrai qu'à la base, il en faisait un petit peu moins. Mais je veux dire que... regardez comment il a fait Peter Hart. On l'appelle le bûcheron, c'est pas pour rien. Hein. Il ressemble à tout, sauf un culturiste. Peter Hart, c'est un bloc. Il a pris 3 Kawan, vous voyez. Avant de terminer, vous avez été au Japon, un peu partout, en Thaïlande. C'est quoi la différence de l'entraînement des combattants au Japon, en Thaïlande et à Nolande également? On ne sait pas ce qui se passe là, mais ce sont que des machines. Les techniciens surtout, les meilleurs ressortent toujours des Pays-Bas. Mais écoutez, on va commencer par les Pays-Bas. Les Pays-Bas, alors eux, ont une culture sport de combat qui existe depuis... depuis plus de 35 ans, ce sont des garçons qui sont à la base extrêmement doués, j'ai l'impression. Et ils travaillent un petit peu. C'est un club, c'est une famille, ça s'entraîne. Ce sont des garçons qui, on l'a vu au tout départ avec le Meijiro Gym, le Vos Gym, les Chakuriki, ils ont toujours su produire d'immenses champions. Regardez à Cuba, il y a toujours eu des grands champions de boxe anglaise. Alors pourquoi? C'est comme ça, il y a eu un travail de base. Je pense que les Néerlandais, c'est une culture chez eux, ils aiment ça. Ils s'y sont mis très au sérieux, ce sont les plus grands distributeurs de coups de pied dans les jambes. Hein, au niveau des low kicks, on a difficilement fait mieux que Rob Cavan, si vous voulez, entre autres. On a eu des grands champions comme Fred Royer, Lucien Carbine, Milo El Ghebli, on va pas tous les citer, mais vous voyez, ça en fait déjà pas mal. Les frères il y en a eu beaucoup, si vous voulez. Hein. Maintenant, la Thaïlande, c'est différent, bien évidemment. La Thaïlande, le Muay Thai, c'est assez plus qu'une culture, c'est une religion. Les gamins commencent très très tôt. Faut aller dans un camp de boxe thaï pour comprendre ce que c'est. Alors aujourd'hui, ça s'est un petit peu démocratisé parce que la boxe thaï, c'est ouvert au monde, la Thaïlande, c'est ouvert au monde, et vous avez beaucoup de ce qu'ils appellent les phalanges, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas thaïlandais, donc tous les étrangers qui viennent maintenant s'entraîner au Royaume du Siam, qui combattent de plus en plus au Lumpini, au Raja Damnen et dans tous les stadiums. Mais sinon, vous avez quand même des camps, ça rigole pas, quoi, hein. C'est debout 5 heures, on va courir, on revient, on mange, on travaille le corps à corps, on va dormir, on remange, on refait un petit footing, on va s'entraîner le soir, c'est tous les jours. Ça démarre à 5-6 ans. Il y a les paris qui sont très importants, bien évidemment. Les paris font vivre beaucoup de monde en Thaïlande. Hein. La Thaïlande, la boxe thaï, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est pas un simple jeu. C'est tout sauf un jeu. C'est une culture. C'est vraiment imprégné dans les mœurs. Ouais. Non, c'est tout sauf un jeu. C'est une façon de gagner de l'argent. C'est une façon de faire vivre des familles. C'est une façon de pas tomber dans la misère, c'est une façon de s'en sortir pour payer très très cher. Maintenant, un petit peu plus parce qu'ils sortent de la Thaïlande, ils vont boxer à l'étranger. Mais sinon, les Thaïlandais sont toujours, surtout jusqu'à certaines catégories, jusqu'à 65-66 kilos, les vrais champions sont difficilement battables. On peut rivaliser avec eux, bien évidemment, on a d'excellents combattants aux Pays-Bas, en France, un petit peu partout en Europe, mais en France, on a quand même d'excellents garçons hein, qui peuvent rivaliser sans aucun problème. Mais bon, en Thaïlande, c'est pas un jeu, quoi. Hein. On est là pour nourrir la famille, il y a les paris, il y a beaucoup d'argent, si vous voulez, qui circule. Et c'est reconnu, c'est officiel. Vous voyez, un mauvais parieur au Lumpini, s'il paye pas sa dette, c'est la police qui le sort et ils le mettent en prison. Vous voyez? Ok. Non, mais c'est vrai. Et puis le mec, il passe un sale quart d'heure en plus. Hein. Donc, ça fait vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de monde. C'est un gros business, ça. La boxe thaï en Thaïlande, mais ça fait vivre beaucoup de monde, donc c'est pas très grave. Au contraire, même heureusement qu'il y a de la boxe thaï. Maintenant, au Japon, c'est un petit peu différent. Au Japon, au départ, c'est un des berceaux des arts martiaux, hein, quand même, hein, avec le karaté, avec l'aïkido, avec le kendo. C'est une autre culture, hein, c'est complètement différent, mais les préparations ne sont pas les mêmes, si vous voulez, en Thaïlande. Je pense que c'est plus dur en Thaïlande. Monsieur Iglicky, ça a été vraiment un bon moment pour nous d'avoir l'occasion de parler à une encyclopédie des sports de frappe là, debout. Ça a été vraiment intéressant. Puis je pense qu'il va falloir qu'on renouvelle ça si vous en avez l'occasion prochainement. Parce que grand plaisir, il n'y a pas de souci. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Iglicky. Puis on se dit à la prochaine. Eh bien, écoutez, arrivez quelle heure chez vous, là? Nous, il est, on est le dimanche matin, il est 10 heures, puis pour vous, il doit être aux alentours de 16 heures. D'accord. Donc, si je vous pose cette question, c'est juste de vous souhaiter une bonne soirée. C'est surtout pour vous souhaiter une très bonne journée. Ben, vous aussi, merci beaucoup. Ben, quand vous voulez, vous me revenez, ça sera avec grand plaisir, sans aucun problème, et je vous salue tous. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, au revoir, je vous en prie.